Caravane de papa, le soir à la maison quand tu rentres de l'école. Dis-moi petit, caravane de maman, le soir à la maison quand tu rentres de l'école. Juste un questionnaire, mon début d'année scolaire. Petit, car avant tes parents, comme ils sont ensemble le soir après l'école. Dis-moi petit, est-ce que ma mère travaille? Et si oui, dis-moi si cela est bien légal. Juste un questionnaire, ou en début d'année scolaire. Allez, vas-y, gamin, dénonce, balance tes tiens. Juste un questionnaire, pour tes vues d'année scolaire. Allez, vas-y, gamin, dénonce, balance tes tiens.